de maman. Où tout doit reprendre forme, c'est la fin du merveilleux des réalités qui dorment. Le réveil, et c'est ton corps qui me donne du courage, qui prolonge mon sommeil, qui me fait devenir sage. Mais le réveil, c'est la vie qui reprend. Champ de bataille où l'on tombe en naissant, c'est le temps qui nous tue, déprimant. Et puis ton corps, c'est aussi grâce à lui que j'ai confiance en me sortant du lit pour continuer ma vie d'abruti. Le réveil, c'est le café et des espoirs qui renaissent. Tout pourrait recommencer. On ne sait plus que la vie blesse. Le réveil, c'est un baiser sur la bouche de l'illusion. C'est encore refaire l'avenir. On s'accroche à sa vie en rêvant. Regarde-moi, si je m'accroche à toi, c'est que la vie me fait peur chaque fois que tu pars. Je suis seul et j'ai froid. Et tout amour est une protection. La peur dans le lit laisse la raison tranquille. Ne craignons pas l'abandon. Le réveil, c'est la chaleur qui referme bien ses grilles, qui nous donne la parole pour fuir la peur de la vie. Le réveil, et c'est l'attente de notre nuit prochaine qui sera encore plus belle et nous fermera tant les yeux. Le réveil.